savoir attendre l'heure du soir, par bout du silence et de l'autre vie qui m'appelle. J'ai promis bien des fois de ne rien faire sans toi, par bout de l'attente. Je n'ai pas voulu jouer ce rôle. De temps en temps, j'oublie les jours, les heures. Je ris mais il n'y a rien de drôle. L'amour est dans, je garderai ma ferveur. Je n'oublie rien de ce que j'aime. J'ai tourné ces mêmes pages, parler ce même langage, mais la route est longue. Et pour la saveur d'une éclaircie, pour les couleurs d'après la pluie, je peux bien attendre. Je n'ai pas voulu jouer ce rôle. Depuis longtemps, j'oublie les jours, les heures. Je ris mais il n'y a rien de drôle. L'amour est dans moi, je garde ma ferveur. La terre est si simple et...